froid, vos racines, vos traditions nationales, socialistes, nationales, socialistes, sans race, sans identité, dans un monde uniformisé. Tu crois avoir tes propres idées, toi la machine qu'on a fabriquée. Tu me traites de raciste pour te faire croire que tu existes. Je suis fier de mon idéologie, j'ai conscience de ce que je suis. National, socialiste, national, socialiste. Socialiste, socialiste.